Hilhari eta tximinetako harrien lantzen hogeita bat urtetan abiatuik, Frantziako monumentu historikoen araberitzen jauntzi ondotik, harri lantzia utzizien Vincent Souliek. Sibeuat bizitzea zen ondotik, harria lantzen dien lantegi batetan arrasitzen, bena hor dena beganika handiek iran egitez. Hoiko holan diela guti, eskuz harri lantzen arrasida eta bekuntu plantatu. Zer harri lantzia nahiago dian galtatu deiogu. Je me sensibilise de plus en plus par rapport à l'environnement et c'est vrai qu'une pierre qui est arrachée à la montagne du coin et qui va rester dans le coin, elle a plus à raconter qu'une pierre qui va avoir traversé le bout du monde et qui finalement va participer à une homogénéisation du paysage. Justoki, harri lantzian zer zeion gaitzena erraiten daiku. C'est un peu comme une danse où on va lui demander des choses, il faut savoir ne pas trop lui en demander avant que ça casse. Uaiko egunine bai hilarien lantzia edo araberitzia edo izenen gehitzia bazaio haboenen galtatuk, geuta habo etxe izen tximine edo beste apainketa eskatuk zeio. Eta hoiko idauzemendin behetxen behian lantzen dutu.